Si je vous entends, c'était lundi, au chant l'après-midi, quand elle m'a dit merci, merci, merci, tout est permis, au chant l'après-midi. C'est plein de filles sexy et de garçons polis. C'était mardi, entre l'alcool et la bière, qui m'a dit dans la fière, venez, j'ai du Campari. C'était mardi, entre brandy et Campari, qu'elle m'a dit dans ton amour, moi je préfère le whisky. Tout est permis, Jonathan et Jennifer, de justicier milliardaire, à Auchan l'après-midi. C'était jeudi, mercredi c'était j'ai un gros zizi. C'était jeudi, au rayon biologie, quand elle m'a dit chérie, dans ma journée un aussi, tout est permis à Auchan l'après-midi. C'est plein de trucs gratuits, de promos sur le riz. Tout est permis à Auchan l'après-midi. C'est plein de filles sexy et de garçons polis. Tout est permis à Auchan l'après-midi. Vendredi et samedi, c'est à l'académie. Tout est permis, j'ai un nouveau frigidaire, un pot de fleurs en terre et des nouveaux raviolis.